premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire titrée « Entre œuvre et histoire, les lieux d'écrivains ». Nous nous intéresserons aux traces que la littérature a pu laisser dans nos paysages et dans notre mémoire. Demain, nous nous demanderons avec Gisèle Sapiro et Anne Simonin comment la mémoire des auteurs d'extrême droite et des collaborateurs a pu cheminer jusqu'à nous, et en particulier à propos de ces maisons, de ces écrivains qui sont si difficiles à utiliser lorsqu'on est une municipalité, par exemple. Mercredi, au processus de patrimonialisation que connaissent les maisons d'écrivains. Jeudi, le documentaire de Séverine Yatta et de Anne Fleury nous conduira sur les pas des écrivains et des penseurs qui ont fréquenté les Cévennes du Chambon sur le Lignon. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le très grand plaisir, comme à chaque fois, de recevoir l'historienne Michèle Perrot pour son dernier ouvrage, paru dans la librairie du 21e siècle, la collection du Seuil, dirigée par Maurice Solinder, consacré à l'importance de Nohant dans la vie et dans l'œuvre de Georges Sand. De Nohant, Michèle Perrot utilise toutes ses ressources d'historienne pour éclairer justement ce lieu chéri par Georges Sand, ses amitiés, ses amours, sa vision de la société, sa vision du temps qui passe. Bref, une lecture aiguisée qui rapproche la Dame de Nohant de nous-mêmes, tout en n'oubliant pas qu'elle est bien une femme du 19e siècle. Et bien entendu, cette patrimonialisation de ce lieu de Nohant en a fait un lieu de célébration, un lieu de pèlerinage pour tous ceux et toutes celles qui aiment Georges Sand. C'était le cas en 1978 dans l'émission départementale de France Culture. Sylvie Andreux s'était rendue à Nohant avec Robert Franco, qui était le gardien de la maison de Nohant à cette époque-là. Il nous manquait, pour comprendre la personnalité et les idées de Georges Sand, de nous rendre à Nohant, dans cette grande maison fréquentée par les plus grands esprits du 19e siècle. Grande maison où rien n'a changé, ni les arbres du parc, ni le chant des oiseaux, ni les objets, ni les meubles. Il ne manquait que la Dame de Nohant. Et pourtant, ressuscité ce matin-là par la flamme et la dévotion du gardien de la maison, Robert Franco. Mais écoutez, le miracle va se produire. Non, je vais quand même vous ouvrir cette porte. Voilà, dès que nous avons franchi le seuil, nous avons l'impression que la maîtresse de maison est là, sur les marches. Elle nous attend. Bonjour, Georges Sand. Tu nous conduis tout de suite au salon où toutes ces célébrités se sont installées autour de cette table magnifique, de cette table ovale que tu as fait faire par le menuisier du village, Pierre Bonnet. Et maintenant, tu me conduis à ton théâtre. Mais ce qui frappe le visiteur dès qu'il arrive ici, ce n'est pas le grand, qui est pourtant plus ancien. Ce sont ces marionnettes. Quel travail! Et quand je vois toutes leurs têtes, elles me rappellent des paysans, des gens du coin. Dans ton esprit de générosité, tu les accueillais le soir, parfois, dans ton château, comme ils disent encore. Et tu leur présentais avec ton fils une scène de marionnettes. Et ils étaient heureux parce qu'à travers ces personnages, ils se retrouvaient. Et oui, ton fils, un peu coquin, les avait pris sur le vif. Bon, maintenant, je crois qu'il faut nous rendre dans ce lieu que j'aime par-dessus tout, sa chambre. Et pour ce faire, nous allons longer ces couloirs qui sont un peu sombres. Et j'imagine cette Georges Sand déambulant le soir dans sa maison à la lueur des chandelles. Voilà, c'était il y a 40 ans, Sylvie Andreu pour France Culture interrogeait Robert Franco qui se dialoguait, il était gardien de la maison de Nohant, dialoguait avec une George Sand dont il pensait qu'elle était là, mais qui n'était pas véritablement là. On entendait ses longs silences, elle était censée lui répondre et en fait au bout du compte c'était lui qui parlait comme guide. Bonjour Michel Perrault. Bonjour Emmanuel. Vous avez beaucoup passé cette porte, combien de fois vous avez passé cette porte de Nohant pour pouvoir depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, vous intéressez à cette personnalité de George Sand, dans son lieu de Nohant en particulier? Oui, assez souvent, je ne ferai pas le compte. Mais je vous dirais que je l'ai passé encore bien davantage par ses écrits. Parce que le lieu est absolument merveilleux, magique, comme on dit. Hein, mais pour connaître les allées et venues des gens, des domestiques, des amis, de la famille, il faut le retrouver dans les textes. Parce que au moment où ce gardien merveilleux fait faire ce parcours, elle est morte depuis un siècle, hein, elle est morte en 1876, sa petite fille, Aurore Lautsand, était morte seulement en 1961, et j'ai eu l'extraordinaire privilège, dont on ne se rend compte qu'après, d'avoir fait ma première visite de Nohant avec elle. Donc la petite fille. Avec la petite fille. Et ça devait être en 58 ou 59, vous voyez, c'est très très vieux. Et c'était une très vieille dame. Dans ma mémoire, elle ressemblait un peu à Virginia Woolf, mais peut-être que je l'idéalise un peu. Et c'était très délabré dans ce temps-là, Nohant. Dans les années 60. Et elle faisait faire la visite avec beaucoup de gentillesse. Et alors, vous voyez, c'était encore plus présent qu'avec Robert Falco. Ce qui est très intéressant dans votre travail, c'est que vous avez choisi, après des années et des années de fréquentation de l'œuvre de George Sand, de la ramener à votre travail d'historienne, c'est-à-dire de ne pas simplement vous intéresser à ses écrits, à sa littérature, mais vous avez, d'une certaine façon, embrassé, repris tous les thèmes qui étaient les vôtres, les thèmes de l'historienne des femmes, de l'historienne du genre, de l'historienne de la condition ouvrière des classes au XIXe siècle. Et vous les avez, disons, instruits chacun de ces thèmes avec l'œuvre et le rapport de George Sand à Nohant. C'est une drôle de manière de faire, mais c'est une manière qui est tellement singulière qu'au bout du compte, elle fait toute le sel de votre travail, Michel Perrault. Oui, c'est un chemin d'historienne. Mes amis littéraires, qui sont ceux véritablement qui connaissent l'œuvre, après tout, n'apprécieront peut-être pas tant que ça. Parce que pour connaître l'œuvre, il faut lire l'œuvre. Il faut se plonger dans l'œuvre. Et peut-être que mais eux l'ont tellement fait que moi, en historienne, je me suis glissée un petit peu à travers ça. Dans les interstices. Voilà, dans les interstices. Il faut dire aussi que les sources sont d'une richesse extraordinaire. Moi, j'ai commencé à la connaître, George Sand, par son Histoire de ma vie, qui est une des plus belles autobiographies de femmes du 19e, et par sa correspondance. Emmanuel, songeait qu'il y a 26 volumes de la correspondance de George Sand, aujourd'hui. Plusieurs dizaines de milliers de lettres, c'est absolument, cela? Absolument, environ 35 000. Elle en a écrit beaucoup plus que ça, mais elle en a détruit beaucoup. Notamment ses lettres d'amour, hélas. Et le grand artisan de cela, Georges Lubin, qui, véritablement, c'est à lui que nous devons tout ça. Et puis, en plus de la correspondance, il y a les agendas que Alexandre Manceau, qui fut son dernier grand amour, lui avait conseillé de faire. Elle ne voulait pas. Elle n'était pas diariste, en fait. Ah, pas du tout. Pas du tout. Elle trouvait même ça ridicule. Et un jour, il lui dit, mais madame, il l'appelait toujours madame. Et il la vouvoyait. Et il la vouvoyait. Il faudrait tenir. Tout ce que vous faites, vous allez l'oublier. Et les agendas ont commencé en 1851. Et ensuite, après la mort de Manceau en 1865, elle a continué jusqu'à sa mort. Et en donnant d'ailleurs à ces agendas un tour plus détaillé, plus littéraire aussi, plus écrit. Si bien que nous avons là une somme extraordinaire de renseignements qui nous permet justement de voir le quotidien de Nohant, les gens que l'on rencontre et ceux qu'on a perdus aussi. Alors, on n'en a pas perdu tant que ça, parce qu'au bout du compte, vous entrez très précisément et très profondément dans la description de ce petit monde. Vous dites qu'il y a eu environ une centaine de domestiques qui sont passés pendant les 60 années de présence de Georges Sand à Nohant. Vous tentez d'en faire le portrait d'une bonne dizaine ou une bonne quinzaine, certains qui étaient plus proches de Georges Sand que d'autres. Et vous les inscrivez aussi dans une temporalité qui nous intéresse. Nous sommes au milieu du mois de septembre. Qu'est-ce que, par exemple, le rite du voyage de septembre dont vous parlez, Michel Perrault, qu'est-ce qui se passait en septembre et en octobre du côté de Nohant de si particulier qui faisait que des écrivains ou des artistes venaient à ce moment-là, dans cette maison-là? Ils venaient beaucoup l'été, mais les voyages de septembre, c'était Pauline Viardot et Tourguenieff. Pauline Viardot, c'est une cantatrice, une très grande cantatrice, la sœur de la Malibran, vraiment une des plus grandes cantatrices du 19e. Georges Sand en était tombée au fond follement amoureuse. Mmh. Elle avait 18 ans de plus qu'elle, elle a très vite réalisé que ce ne serait pas un amour véritablement, mais ce fut une très très grande amitié. Et par conséquent, Pauline venait plutôt en septembre, parce que l'été, elle était souvent en tournée, et dans l'Europe entière. Et elle venait avec Tourguenieff, mais enfin, il fallait quand même respecter les apparences. Tourguenieff venait quelques jours avant. Après. Et il partait quelques jours avant. C'était Ivan Tourguenieff, donc le très grand écrivain. Et Pauline Viardot s'était mariée avec Monsieur Viardot, un républicain convaincu, qui était directeur de théâtre au départ et qui a organisé tout un tas de tournées de sa femme. Et qui a fait avec Georges Sand la revue indépendante. Absolument. Oui. Et donc, ils étaient une sorte de trio, pourrait-on dire, avec Tourguenieff, parce qu'au bout du compte, tout le monde savait qu'effectivement, il y avait là un trio amoureux entre Pauline Viardot, Louis Viardot et Ivan Tourguenieff. Ça ne choquait personne dans ce groupe d'artistes qui étaient habitués à des liaisons parfois passagère, parfois longue. Il y avait une espèce de grande tolérance et en même temps beaucoup de pudeur aussi. Beaucoup de pudeur. On respectait les gens et les sentiments. Georges Sand pensait que Pauline avait épousé un peu Louis par raison, mais elle pensait que c'était un bon couple. Il faut dire que Louis était un homme tout à fait remarquable. Alors, parmi effectivement ces couples qui se forment et qui se déforment, il y a celui de Georges Sand avec Frédéric Chopin, et donc sur une mazurka de Chopin, un arrangement de Pauline Viardot, chanté ici par Ina Kantcheva, avec au piano Ludmila Angelov. J'expire pour goûter ma douleur, mes lèvres sourire, mes yeux disent mon malheur. Hélas, loin de toi, j'expire pour goûter ma douleur, mes lèvres. Effectivement, Michel Perrault, combien la musique comptait pour Georges Sand, peut-être le premier des arts pour elle d'une certaine façon. En tout cas, c'était quelque chose qui l'émouvait à un point considérable. Considérable. Et en écoutant cela, elle aurait peut-être pleuré, car elle était extrêmement sensible à la musique et à la voix. Elle aurait voulu être chanteuse, et d'ailleurs cantatrice, et si l'on veut. Et sa grande héroïne d'un de ses plus grands romans, Consuelo. Mmh. Consuelo, qui d'ailleurs est un peu Pauline Viardot. Et Consuelo, qui a une des tas d'aventures à travers l'Europe centrale, avec Joseph Haydn, etc. Bon, c'est passionnant, hein. Et elle perd sa voix, Consuelo. Et perdre sa voix, c'est perdre sa vie. Et par conséquent, il y a un lien avec le corps, avec la voix, avec la musique qui est considérable. Et je pense que dans son amour très grand, très fort pour Chopin, la musique a joué un très grand rôle. Chopin, au point de départ, c'est un peu comme dans le roman d'Aragon, Aurélien, ne la trouvait pas si belle. Hein. Mais elle... La musique, elle s'est jetée à ses pieds, littéralement. Et dans leurs amours compliqués, parce que on va pas entrer là, mais il était très jaloux, malade, etc. La musique a joué jusqu'au bout un rôle absolument fondamental. Et elle aimait ces journées où lui travaillait dans sa chambre, elle aussi, à côté, dans la chambre d'à côté. Et le soir, il lui jouait ce qu'il avait composé dans la journée. Et elle disait, mais... Vous êtes génial aujourd'hui, Frédéric. Vous êtes génial. Et c'était magnifique. Magnifique. On tente parfois, Michel Perrault, à la radio, de reconstituer des univers sonores qui sont pour toujours disparus. Il y a des chercheuses et des chercheurs qui tentent de recréer, par exemple, le Paris du XVIIIe siècle en s'inscrivant dans les travaux d'Arlette Farge ou d'autres, en recherchant dans les notations ce que pouvait être le bruit, le son d'une ville au XVIIIe siècle comme Paris. Là, ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'à la fois, on s'imagine la musique, ces pianos que fait venir Georges Sand pour Chopin, piano de chez Erard ou de chez Pleyel, mais aussi, on s'imagine les chants, les discussions des domestiques qui sont autour, avec les accents, avec un humour qui déplaît profondément à la compagne de Liszt qui est Marie d'Argout, qui ne peut pas supporter l'humour scatologique des paysans berrichons. Et il y a tout cela dans cet écrin de Nohant, Michel Perrault. Oui, il y avait une extrême attention pour les pratiques, les coutumes, le langage des paysans. Et les domestiques sont des paysans. Ils viennent évidemment des villages, du village d'à côté. Et cette passion était une passion, on pourrait dire ethnologique. Enfin, bon. En tout cas, un sentiment de plonger dans les racines de la France. Il y avait un peu une idéalisation du centre aussi, chez Georges Sand. Mais Chopin partageait cela. Lui, il le faisait pour la Pologne, hein, cette Pologne dont il était exilé, et il comprenait très très bien que l'on récolte, il le faisait d'ailleurs avec Pauline Viardot aussi, et tous les trois, Sand, Pauline et Frédéric, récoltaient les chants des paysans, dans les mariages, dans les fêtes, de tout genre, et ils ont essayé de conserver ce patrimoine. Elle en a donné une idée romanesque dans les maîtres sonneurs, par exemple. Vous avez une grande attention portée justement à ces domestiques, à cette maisonnée, pourrait-on dire. Alors, il y a évidemment la famille, il y a les cercles des amis, il y a les écrivains qui passent, les peintres qui sont là, comme Delacroix ou d'autres, mais il y a tous ceux qui font tourner la maison, et qui font tourner cette maisonnée. Et certes, de temps en temps, Georges Sand leur donne un coup de main pour aller au jardin, pour ou bien sa belle-fille pour faire la cuisine. Mais au bout du compte, ce sont eux et ce sont elles qui font tourner la maison. Et il y a un magnifique chapitre de votre part, Michel Perrault, sur ces domestiques qui vous ont passionné. Ils sont tout à fait passionnants parce que, d'une part, ils représentent le Berry dans la maison, car ce sont tous des gens du coin, presque tous, enfin il y a quelques Parisiens, on a fait venir quelques Parisiens pour améliorer la cuisine, qui était un petit peu routinière, mais enfin ce sont des gens du coin. C'est difficile de les faire venir les Parisiens d'ailleurs, faut combien de temps pour venir de Paris? De toute façon il faut beaucoup de temps, 3 jours presque, au début du siècle. Au début du siècle, et quand elle commence. À la fin, 10 heures, 12 heures. Avec le chemin de fer. Avec le chemin de fer, miraculeux chemin de fer, absolument. Oui, mais Par ailleurs, ces gens-là ne veulent pas se déplacer dans ce Berry profond. Bien entendu. De Paris, ils préfèrent être au service d'une bonne famille parisienne. Les salaires étaient beaucoup plus... Les gages étaient beaucoup plus élevés à Paris que dans le Berry. Et c'était le mouvement inverse. Avec le chemin de fer, les paysans berrichons, les domestiques berrichons, s'en vont à Paris. La seule chose qui les gêne pour aller à Paris, c'est souvent qu'ils ne sont pas alphabétisés. Et ça, Georges Sand en était extrêmement consciente. Elle pensait qu'il fallait que les domestiques apprennent à lire et à écrire. Les garçons encore se débrouillaient à peu près. Il y avait des écoles de garçons quand même. Mais les petites filles étaient complètement illettrées. Et une des tâches qu'elle s'est donnée, c'est d'apprendre à lire à ces petites filles qui entraient à son service à 14 ans. Quelque chose comme ça. Il y a une histoire assez extraordinaire et très romanesque, celle de Marie Caillot, qu'on appelait Marie des Poules. Marie des Poules était une petite fille, Caillot est un patronyme absolument berrichon 100%. Elle était entrée au service de Georges Sand. Georges Sand l'a trouvée très intelligente. Elle lui a appris à lire. Grâce à la méthode Lafort. Lafort, la statilégie, c'est-à-dire une espèce de méthode globale. Et puis ensuite, elle lui a dit, mais il faut jouer dans le théâtre. Parce qu'il y avait un petit théâtre au sein de Nantes. Il y avait un théâtre d'amateurs, où tous les paysans du coin étaient invités, etc., où on répétait un petit peu les pièces de Georges Sand pour Paris. Et Marie a été merveilleuse, éblouissante, de plus en plus jolie. Tout le monde l'admirait beaucoup. Elle est devenue vraiment une très grande amie pour Georges Sand. Et puis le drame qui est arrivé, et là, c'est un drame qui arrive souvent dans ces cas de domesticité, elle est tombée enceinte. Personne n'a jamais su qui. Certains ont même dit que ce pouvait être le fils de Georges Sand. En tout cas, pas un mot là-dessus, nulle part. Mais dans le pays, on le pense quand même, encore aujourd'hui. Voilà, alors Georges Sand, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'éloigne, mais elle s'occupe beaucoup, beaucoup d'elle, et elle lui fait même gagner davantage d'argent en l'envoyant à Paris. Alors, Georges Sand se moque parfois de ce qu'elle appelle les 18 brumaires de cuisine, c'est-à-dire ces querelles qui naissent justement au sein des cuisines, ces sortes de petits coups d'État où telle domestique veut prendre le dessus sur les autres domestiques. Oui, il y a des conflits. Par exemple, il y avait un conflit avec le valet de chambre de Chopin, qui était polonais, qui parle pas très bien le berrichon, naturellement. Bon. Et donc, les autres domestiques se moquaient. Alors oui, il y avait des petits conflits comme ça. Et ces petits conflits lui font réfléchir à la condition de la servitude. Elle dit les meilleurs cœurs s'aigrissent de la servitude, mais aussi à la nécessité pour une femme de maison moderne, qu'elle se veut être, de réduire cette domesticité. Progressivement, au fur et à mesure du siècle, et bien pendant ces 60 ans où elle dirige cette maisonnée de Nohant, Georges Sand aura de moins en moins de domestiques. Absolument. Son rêve, c'est une femme de ménage, comme elle dit. À Paris, elle a une femme de ménage, elle trouve que c'est formidable. Et même quand elle va à Gargilès, le petit village voisin, où Manceau lui avait acheté une petite maison, elle dit, mais je fais mon lit toute seule, je fais ma cuisine toute seule, j'ai besoin de personne. Voilà. Et elle pensait que la domesticité était un peu perverse dans le fond, et qu'il faudrait que les domestiques soient les fonctionnaires de nos intérieurs. Plus de gages, des salaires, un travail. Voilà, un travail comme les autres, et sur ce point, elle est très moderne. Elle dit, ou enfin plutôt on lui fait dire, elle aime ces gens, mais elle voudrait n'en point avoir. C'est ce que vous dites d'une certaine façon, en l'occurrence Michel Perrault, à propos de Georges Sand à Nohant. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. extrait du nocturne numéro 3 de Frédéric Chopin, interprété ici par Heinrich Neuhaus. Nous sommes avec Michel Perrault dans une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée au lieu d'écrivain à propos de son dernier livre qui vient de paraître dans la librairie du 21e siècle, Georges Sand à Nohant aux éditions du Seuil. Alors, Michel Perrault, vous insistez sur cette simplicité qu'aurait voulu avoir Georges Sand, mais en même temps, c'est une simplicité contrainte, puisqu'elle a la plupart du temps, dites-vous, une quinzaine d'invités à sa table tous les jours, ou presque, très fréquemment, en tous les cas, pendant les 40 ou 50 années où elle fréquente Nohant. Et donc, elle voudrait aussi faire de ce lieu autre chose qu'une simple villégiature de bourgeoise ou de noble parisienne. Assurément. Elle n'aime ni la bourgeoisie, ni l'aristocratie. Elle ne se reconnaît que dans une identité d'artiste. Voilà. Et ce qu'elle voudrait faire de Nohant, c'est une maison d'artistes où les écrivains, les peintres, les musiciens, bien sûr, puissent se reposer, se retirer. Elle pense que Paris qui l'a faite, avec lequel elle est parfois un peu ingrate d'ailleurs, elle pense que Paris est trop mondain et que l'on y perd son temps. Par exemple, pour Chopin, elle trouve que il ne travaille qu'à Nohant. Et de fait, il a composé environ 2/3 de son œuvre à Nohant. Elle veut offrir la même chose à Delacroix, à Flaubert. Qui n'aime pas trop ça, Delacroix. Oui, on lui fait un petit atelier rien que pour lui. Oui, c'est le maître de son propre fils, du fils de Georges Sand, de Maurice. Oui. Et pourtant, Delacroix, il va y venir, il va faire un petit tableau ou deux, une Sainte-Anne, mais pas beaucoup d'autres choses. Des bouquets de fleurs. Des bouquets de fleurs, voilà. Qu'on trouve dans différents musées. Oui, enfin, elle rêve de ça et elle rêve d'une communauté d'artistes. Elle pense que, avec ce que nous appellerions la mondialisation, les gens auront besoin de petits noyaux dans les grands réseaux où ils pourront se retrouver, discuter, comparer leurs œuvres. Et c'est pour ça qu'elle accorde tellement d'importance aux soirées. C'est une femme qui travaille la nuit. Il ne faut pas oublier que quand elle a couché tout son monde et tout ça, elle monte dans sa chambre ou dans son cabinet de travail. Elle travaille jusqu'à 4h du matin. Là, elle dort le matin, etc. Mais les soirées, après le dîner, eh bien, on se retrouve soit pour le théâtre, soit pour des lectures. Alors, qu'est-ce qu'on lit ? On lit ses propres œuvres. Quelquefois, Flaubert, on lit les grands Dumas, on lit des philosophes aussi, on lit Renan, on lit Darwin, et parce qu'elle est passionnée par l'évolution scientifique de l'époque. Et elle voudrait qu'on discute de tout cela, qu'on s'empare de tout ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là ? Elle ne lit pas, elle court. Elle court interminablement. C'est-à-dire qu'on lui lit les œuvres, en l'occurrence. Elle a une sorte de chevalier servant. Plusieurs. Qui lui lit. Manceau lit, Ockhant, qui était son, un de ses commensaux, en quelque sorte, lit aussi. Maurice aime pas trop, quand même. Et enfin, tout le monde lit, et elle veut pas lire. Elle veut pas lire, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et elle court, pour les marionnettes, pour les poupées, pour ceci, pour cela. Et au fond, elle dit, l'aiguille, c'est la bêche des femmes. Elle devrait en être davantage fière, elle devrait en faire un métier, un véritable métier. Alors, vous parliez des marionnettes, en l'occurrence, et on a entendu plusieurs fois ce nom prononcé depuis le début de cette émission avec vous, Michel Perrault. Il y a un théâtre qui est d'ailleurs installé dans l'ancienne chambre de sa fille, au rez-de-chaussée, Solange, qui a d'ailleurs provoqué des conflits familiaux, puisque Solange n'a pas beaucoup apprécié qu'une fois partie de la maison de Nohant, on transforma sa chambre en petit théâtre, avec tous les instruments nécessaires à un théâtre de salon. Mais il y a aussi un théâtre de marionnettes, c'est cela ? Absolument. Alors, il y a un théâtre de marionnettes fixe, un peu postérieur à celui du théâtre d'auteur, et c'était le monde de Maurice Sand. Et au fond, le fils de Georges Sand, il se sentait peut-être un petit peu frustré de pas diriger véritablement le théâtre, parce que Alexandre Manceau, l'amant donc de sa mère, le dirigeait davantage, et il a voulu avoir son monde à lui. Et il s'y est montré extrêmement ingénieux. Il a voulu introduire la comédie italienne, avec Georges d'ailleurs, ils ont traduit Rusante, il a vraiment fait un gros travail là-dessus, publié un livre qui s'appelle Masques et bouffons, qui est une espèce de réunion d'artistes. Georges Sand en fait la préface, Maurice en fait le texte, et Manso en fait les illustrations. Hein, c'est vraiment significatif, et c'est un très très beau livre, qui a eu beaucoup de répercussions à l'époque, et aujourd'hui, Maurice Sand est toujours considéré comme un grand créateur du point de vue marionnette. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on voit l'activisme, pourrait-on dire, de Georges Sand en vous lisant Michel Perrault à Nohant. Elle a un activisme pour pouvoir transformer ce lieu, qui est son lieu familial, dont elle a hérité de sa grand-mère, son lieu familial en colonie d'artistes, dites-vous. Mais ça ne marche pas tellement, en fait, au bout du compte, parce que elle est bien la seule à considérer que cet endroit est un endroit formidable, agréable. Il y a bien des gens qui viennent pour un... deux, voire trois mois, comme Marie Dagou et Litz à un moment. Mais généralement, ils ne reviennent pas. Balzac, quand il vient, trouve ça un petit peu trop crotté comme endroit. Marie Dagou trouve que les grosses farces des Berrichons de Nohant ne sont pas très à son goût. Et au bout du compte, elle ne parvient pas à convaincre ses amis parisiens de sortir de Paris pour s'y installer véritablement. Oui, elle a beaucoup de mal là-dessus. Et paradoxalement, le chemin de fer devrait l'aider, ne l'aide pas. Pourquoi ? Parce que quand on fait un très long voyage, on reste longtemps. Hein. Ce fut le cas de Marie Dagou et de Litz, qui, comme vous l'avez dit, sont restés presque trois mois. Mais autrement, on vient quelques jours, une semaine à tout casser, et la vie devient de plus en plus rythmée. Hein. Donc c'est difficile. Oui, par exemple, quelqu'un comme Flaubert vient, mais pour des tout petits séjours. Le prince Napoléon Jérôme vient lui aussi pour 48 heures. Oui, parce que le train leur permet, tout compte fait, de repartir assez rapidement pour Paris. Oui, tout à fait. Et absolument. Donc, ce rythme qu'elle a voulu plus ou moins imposer de Thébaïde au départ, dans la première moitié du 19e siècle, devient de plus en plus impossible dans la seconde moitié à cause de l'innovation technologique. Tout à fait. Ça lui file entre les doigts, en quelque sorte. C'est comme si ce lieu qu'elle avait tellement rêvé, eh bien, malgré les facilités de transport, c'est une espèce de contradiction, devient moins fréquentée. Oui, c'est une application des principes de Paul Virilio, l'architecte et philosophe, justement, sur la rapidité dans nos sociétés contemporaines. Oui. Un extrait de la transcription pour piano de la symphonie numéro 6 de Beethoven par Franz Liszt, interprété ici en 1968 par Glenn Gould. Nous sommes avec vous, Michel Perrault, pour évoquer votre livre Georges Sand à Nohant dans la collection La Librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Ce qu'il y a de tout à fait passionnant, je le disais au début de cette émission, c'est comment vous avez, avec Georges Sand et avec ce lieu de Nohant, saisi l'opportunité que vous aviez en tant qu'historienne de revenir sur les évolutions de ce 19e siècle que vous connaissez particulièrement bien, c'est-à-dire évolution par rapport à la conception de la nature. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure le darwinisme. On pourrait citer Léon Brottier, qui sert d'introducteur, dites-vous, à l'œuvre de Darwin auprès de George Sand. Il y a aussi l'évolution du rapport à l'hygiène. Et là, on est plutôt du côté des œuvres de Georges Vigarello, qui a travaillé sur la question de l'hygiène, le propre et le sale, au 19e siècle, et vous expliquez comment elle fait une véritable révolution, George Sand, en installant un WC à l'anglaise à Nohant, au moment de l'arrivée de sa belle-fille, par exemple, etc., etc. Et surtout, tout ce qui concerne le temps et le corps, dites-vous. Parce que, tout compte fait, c'est une femme qui vieillit, c'est une femme qui aime, et qui sait ce que signifie vieillir au 19e siècle, quand on regarde le corps des femmes peut-être différemment de ce qu'on fait aujourd'hui, Michel Perrault. Oui, le corps avait une très très grande importance, et bon, on peut en parler parce qu'elle en parle beaucoup. Mais oui. Hein. Et dans la correspondance, il y a énormément d'informations sur les médecins, sur les traitements, sur les maladies. Et ça, ça n'avait pas été tellement abordé, bien sûr. Et véritablement, c'est à mon avis intéressant. Je pense que Jacques Léonard, qui a été le grand spécialiste de la médecine, aurait peut-être apprécié. À la fois, elle-même, elle se soigne, elle dit qu'elle a une santé de fer. En réalité, oui, mais elle a beaucoup de malaise, des malaises féminins, elle a mal à la tête, elle a des problèmes digestifs, elle mourra d'une occlusion intestinale, et elle consulte beaucoup de médecins. Mmh. Mais d'un autre côté, alors il y a les médecins locaux, et puis il y a les médecins de Paris. Quand on a besoin d'une consultation, on fait venir un médecin de Paris. Quelquefois, il se fait payer, d'ailleurs, et elle trouve ça un petit peu exagéré. Mais aussi, elle a des médecins qui l'adorent, qui l'admirent, et qui deviennent presque des prêtres de son corps, en quelque sorte. Notamment un certain docteur Favre, qui va l'accompagner dans ses dernières années, et qui, au moment de sa mort, écrira un récit, comme on écrivait pour les rois, de sa mort. Ah oui. De son décès. Il se met dans sa chambre et il la regarde mourir et il écrit comment elle meurt. C'est extraordinaire. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, voilà une femme qui a connu l'épisode de choléra à Paris en 1832. Et comment ? Voilà quelqu'un qui est entouré de phtisiques et de tuberculeux, en particulier ses amants. Chopin, Manceau meurent l'un et l'autre de ce qu'on n'appelait pas la tuberculose. Pour Chopin, par exemple, elle n'a jamais prononcé même le mot de phtisie parce que les médecins ne le disaient pas non plus. On parlait d'affection nerveuse. Pour la tuberculose. Et quand elle lui a vu cracher le sang, elle a pensé que c'était nerveux. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Manceau, qui est mort lui aussi de la tuberculose, bah c'était la même chose. À la fin, quand même, elle nomme. Elle finit par nommer et par réaliser de quoi il meurt. Mais c'est un rapport qui nous est devenu évidemment étranger. Ce qui est très intéressant, c'est que vous dites, c'est une femme moderne qui tente de s'échapper à la fois à la condition qu'on voudrait lui donner d'épouse, par exemple, par son statut d'artiste. La conjugalité, il aime pas du tout. Voilà. Par exemple, vous dites qu'elle a toujours. Vous êtes aussi historienne des chambres. Et il y a un très beau chapitre dans votre livre, Michel Perrault, sur les chambres de George Sand. Vous dites qu'elle a toujours désiré avoir deux chambres, comme dans une ancienne aristocratie, et ne jamais faire lit commun avec son mari ou son compagnon du moment. On pouvait se retrouver au lit pour faire l'amour, mais ensuite on se séparait pour le reste de la nuit et elle retournait écrire le reste de la nuit dans sa propre chambre. Écrire ou dormir, seule, voilà. Ouais. Et elle a dormi, elle a partagé le lit conjugal jusqu'à la naissance de sa fille Solange. Et à ce moment-là, elle a déclaré à son mari que c'était non, elle ne voulait plus partager son lit. Il y avait des raisons d'ailleurs. Solange n'est peut-être pas la fille de son mari, bon, il y a toutes les histoires compliquées de cette famille élargie, en quelque sorte. Et puis, elle trouvait que c'était une femme doit être libre, voilà. Libre de son corps, je n'ai jamais eu de maître, même en amour, disait-elle. Mm-hmm. Et elle, par conséquent, elle ne supportait pas la conjugalité. Mais malgré cette modernité très forte qu'on souligne souvent à propos de George Sand, dans son habitude, son attitude, sa façon de se tenir, quelquefois d'ailleurs Balzac considérait presque que c'est un homme, plutôt. Oui, tout à fait. Elle parle de lui comme d'un homme. Un camarade. Voilà, c'est ça. Elle a sa ménopause à 48 ans, dites-vous, oui. Dans l'hiver 1852-53, et elle dit, comme le disaient les femmes à cette époque-là, moi qui ne suis plus une femme. Oui. Là, elle emploie le langage commun, ce qui d'ailleurs lui arrive dans beaucoup de choses. Enfin, c'est une femme très affranchie, mais on voit combien il est difficile de s'affranchir de ce que pense une époque. Je dirais même pas un préjugé, ce que pense une époque sur le corps des femmes. On pourrait le dire aussi même pour l'antisémitisme. Elle est évidemment pas du tout antisémite, mais quand elle parle des juifs, elle dit un bon juif, un mauvais juif. Vous voyez, Nicole Savy avait étudié ça à propos des juifs à l'époque romantique. Bon, voilà. Alors, donc, c'est une femme de son temps, avec beaucoup de liberté et de temps en temps les préjugés de son temps. Alors, on sait comment un personnage comme Jules Michelet a surpris quand on a découvert, bien plus tard, un siècle plus tard, son journal et ce qu'il disait sur les flux du corps d'Athénaïs, sa femme, qu'il observait à la loupe, pourrait-on dire, pour savoir quand elle avait ses menstrues, quand elle était en bonne forme, tout le corps de sa femme était sous ses yeux en permanence. Et on pense à cela quand on vous lit, parce que tout compte fait, on imagine une période ou une époque assez prude, mais vous dites, George Sand se confie dans ses lettres, ou à l'oral, à ses amis, sur ses maux de ventre, sur ses règles, sur d'autres choses comme cela, alors qu'on imagine la période beaucoup plus corsetée, pourrait-on dire, Michel oui, Perrault. Oui, vous avez raison, mais même là, elle est, ça dépasse pas un certain cercle d'intimité. Elle parle de ça avec ses amis femmes, avec quelques amis hommes, je pense à Pierre Bocage qui avait été son amant. En 1837. Oui, bien sûr. Et qui a été un grand acteur, un des très grands acteurs du 19e. Bon, elle lui dit ça parce qu'elle dit, toi, tu me connais. Enfin, bon, voilà. Mais malgré tout, ça reste limité. Il y a quand même beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. Moi, j'ai cherché, par exemple, beaucoup plus de choses sur sa sexualité. Hein. Quand même, elle a une sexualité extrêmement libre et très riche. Bon, oui, mais elle dit pas grand-chose. Oui, mais elle a tout de même brûlé beaucoup des lettres qui étaient peut-être les témoins de cette sexualité, d'une certaine façon. Brûlée ou fait brûler. Absolument. Donc, peut-être c'était là, mais on ne le saura jamais. Oui, mais pourquoi les a-t-elle fait brûler? Voilà, il faudrait savoir. Exactement. Alors, à propos de Michelet, elle lit tous les auteurs de son temps, elle les fait lire, elle les lit en lecture publique dans sa bibliothèque et dans son salon. Et elle dit, par exemple, de Michelet et de Quinet qui sont saisis dans leur vieillesse par la nature. Elle qui vit dans cette nature, elle s'amuse du fait que Michelet, après avoir décrit les tremblements du peuple révolutionnaire, les soubresauts d'une société, s'intéresse brusquement à la forêt, à la montagne, et ça l'amuse plus que ça ne l'intéresse au bout du compte, elle qui, dites-vous, est dans son jardin, et dans la nature, et auprès de la terre depuis tellement d'années. Elle est très contente de voir Quinet et Michelet s'intéresser à la nature, quand même. Hein. Elle dit que ce sont des hommages maladroits et naïfs. Oui, c'est vrai. Absolument, c'est vrai, elle dit ça. Oui, elle, c'est une femme de la nature, c'est un pays, je suis un paysan, dit-elle, hein. Et c'est vrai que elle vit avec ça, complètement. Le jardin, ce jardin qu'elle voulait ouvert, naturel, et en réalité où elle a fait énormément de plantations, puisqu'elle a, on estime à 130 espèces de fleurs, les fleurs qu'elle aurait importées dans son jardin. Donc elle le cultive un petit peu plus qu'elle ne le dit quand même. Les arbres, elle a pour les arbres un culte que Alain Corbin avait déjà remarqué, bien entendu, depuis longtemps. Et elle est toujours gênée parce que de temps en temps, elle voudrait une vue comme on disait, de chez elle. Mais d'un autre côté, pour avoir une vue, il faut couper les arbres. Alors, oui, c'est assez étonnant parce qu'on s'en moque d'ailleurs auprès d'elle. On dit voilà, elle est à la fois, elle voudrait cette vue, et puis de l'autre côté, dans cette contradiction, eh bien, elle fait dégager d'un seul coup tout un tas d'arbres qui l'empêchent de voir depuis une de ses pièces la perspective qu'elle voudrait garder ou le panorama qu'elle voudrait avoir depuis cette pièce. Non, donc, non sans remords, si bien que dans les dernières années, elle voulait plus du tout qu'on coupe d'arbres. Hein, elle était devenue encore plus écologiste, si j'ose dire. Écologiste, c'est pas faux. Hein. Elle s'est battue, par exemple, pour la forêt de Fontainebleau. Elle s'est un peu battue, il faut bien le dire, contre les travaux de Dénécourt. Dénécourt que nous aimons bien, parce qu'il nous permet de nous promener agréablement dans la forêt, mais elle trouvait que c'était pour les bourgeois, on faisait ça pour les bourgeois, et qu'on respectait pas assez les arbres de la forêt. Oui, sa question c'était laisser verdure. Ça voulait dire quoi, laisser verdure? Il y a deux interprétations, mais enfin la plus courante c'est quand même laisser les arbres, laisser la verdure autour de moi. Puisque ce sont les derniers mots qu'elle prononce, justement, oui. C'est cela. Au moment où elle décède, elle dit laissez verdure. C'est beau de penser que c'est ce sens-là. bien évidemment. Ces lieux qu'elle occupe et cette terre qu'elle occupe, elle l'occupe aussi en femme qui s'intéresse aux sciences. Vous décrivez très précisément, Michel Perrault, dans votre livre sur Georges Sand à Nohant, combien elle est intéressée par des tocades du moment. La minéralogie, par exemple, ou encore tout ce qui concerne l'entomologie. Donc, il y aura des étés où on partira à la recherche avec Maurice, son fils, de pierres qu'on va collectionner, et d'autres étés, parce que c'est un peu lourd tout de même, ces pierres à ramener depuis les promenades que l'on fait, où on s'intéressera aux insectes, par exemple. Ah, l'entomologie, c'est très important. Alors, quand elle dit tocade, elle le dit pour elle-même. Mmh. Pour se moquer un petit peu de la maison Sand, enfin, qui est envahie par les papillons, les pierres, etc., etc. Mais elle prenait ça très au sérieux. Elle pensait que les sciences naturelles étaient la voie de compréhension de la Terre, que c'est pas Dieu qui avait créé la Terre, qu'il y avait une énigme profonde dans la formation de la Terre. Elle était une disciple de Geoffroy Saint-Hilaire, le grand naturaliste, qui d'ailleurs, à un moment donné, avait pensé en faire sa muse. Hein. Il aurait voulu une alliance avec elle, et elle chantant, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et ensuite, elle a eu des savants, comme Léon Brottier, dont vous avez parlé, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, et qui lui était géologue. Pour elle, la géologie, c'était très important, parce que c'était pénétrer dans les entrailles de la Terre, comprendre quelque chose. Mais enfin, comme vous le disiez aussi, récolter les pierres, c'était lourd, et elle, personnellement, ce qu'elle a aimé, c'est la botanique. Mais elle l'a pas aimé comme une jeune fille. Enfin, encore que jeune fille, elle a fait comme tout le monde à cette époque-là. Un petit herbier. Un petit herbier. Mais elle le voulait scientifique, c'est-à-dire identifier, nommer, classer, conserver, faire une collection qui permette de véritablement comprendre l'évolution des plantes. Et elle pensait qu'avec l'évolution des plantes, on pouvait même faire l'éducation de la jeunesse, parce qu'on pourrait faire l'éducation sexuelle de la jeunesse par les plantes. Elle a préfacé un petit botanique pour ma fille d'un de ses amis, qu'on appelait le malgache, Nero, parce qu'elle pensait que là, il y avait une voie d'éducation tout à fait intéressante pour les jeunes filles. Ce qui est très intéressant, c'est que on a beaucoup parlé du lieu qu'était Nohant. Et évidemment, ce lieu a été peuplé, on l'a dit, par les domestiques, mais aussi par sa propre famille. Et effectivement, elle va découvrir l'art d'être grand-mère à la toute fin de sa vie. Et vous expliquez bien, effectivement, qu'après les décès multiples de ses premiers petits-enfants qui meurent en bas âge, elle va avoir un regard très, très chaleureux sur ses deux petites filles que sont Aurore et Gabrielle, qui sont surnommées Lolo et Titite, parce que il y a aussi un art du surnom à Nohant. Absolument. Tout le monde a un surnom. Tout le monde a un surnom, plusieurs même. Et c'était un plaisir de Georges Sand de surnommer les gens. Enfin, absolument. Oui. Alors, la famille, Il y aurait beaucoup de choses à dire, on n'a pas le temps. Il ne faut pas la voir comme une famille totalement idyllique. Il y a beaucoup de conflits dans cette famille, beaucoup, beaucoup. Et le drame, ça a été évidemment la fille, les relations Solange. Avec sa fille, qui mérite beaucoup mieux que ce que certainement Georges Sand lui a accordé. Oui, elle disait de sa fille, Solange perd l'esprit qu'elle a, à chercher celui qu'elle n'a pas, par exemple, c'est gentil. Où je me suis efforcé de croire que j'aurais une fille, je n'ai qu'une demoiselle, au sens effectivement de... Demoiselle de, de petite vertu aussi, un petit peu, ce côté-là. Oui. Et puis, c'est une âme perverse, une femme payée et entretenue, disait-elle, à la fin de sa vie. Donc, c'est vrai qu'elle avait des relations très difficiles avec sa fille. Très difficiles avec sa fille. C'est très compliqué de savoir pourquoi. Et effectivement, c'était le plus gros reproche qu'elle lui faisait, ne pas travailler, ne pas gagner sa vie, avoir des hommes, peu importe, mais ne pas dépendre d'un homme, ne pas dépendre d'un homme. Et autrement, on est une femme entretenue, c'est-à-dire une femme asservie. Et ça, elle ne le lui pardonnait pas. Et quand Solange, qui aimait sa mère, Solange aimait sa mère, et Solange voulait être comme sa mère, elle voulait écrire des romans. Alors, évidemment, Georges Sand... Elle en écrira. Après la mort de sa mère, surtout. Oui, mais Georges Sand les a lus, lui a corrigé. Mais en faisant pas trop de compliments non plus, et en faisant pas un effort démesuré pour les publier. Alors qu'elle a fait beaucoup plus d'efforts pour publier son fils. Mmh. Et donc là, il y avait une profonde inégalité qui a un peu perverti, non, d'une certaine manière, si on peut dire. Les petites filles, il y aurait beaucoup à en dire. Elle a écrit pour elle des contes d'une grand-mère, très originaux. Le titre fait un peu, bon, tout ça, mais pas du tout. Elle voulait faire une éducation scientifique des enfants, et on peut dire qu'elle a créé un genre nouveau. Oui, et elle disait à la fin de sa vie que la vie de ces deux petites filles, leur vie intense, ravive ma vie usée, disait-elle. C'est une belle formule, en l'occurrence. Belle formule. Je pense que ça l'a aidée à vieillir. Elle a pris conscience de la vieillesse assez tôt. Et à un moment donné, elle en a souffert, comme tout le monde, bien sûr. Mais elle l'a acceptée. Et elle disait à Flaubert, quand j'ai renoncé à être jeune, j'étais bien. Vieillir, vivre, c'est mourir. Et mourir, c'est vivre de mieux en mieux, disait-elle, de manière peut-être un peu optimiste. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est de s'approcher de la difficulté pour cette femme issue d'une souche noble à trouver la sancta simplicitas qu'elle voudrait avoir, d'une certaine façon. Et c'est ce que vous prouvez très bien, les contradictions, l'impossibilité d'aller jusqu'au bout de ses propres projets que pouvait avoir Georges Sand, malgré la volonté qu'elle en avait. Merci beaucoup, Michel Perrault, pour votre Georges Sand à Nohant, dans la collection de la librairie du 21e siècle au Seuil. Et j'en profite pour annoncer, puisque tout de même on a là une grande actrice de 1848 en particulier, qu'à la fin de cette semaine, à Paris, à la Colonie en particulier, qui se trouve près des gares de l'Est et du Nord, eh bien, il y aura une manifestation de jeunes historiennes et de jeunes historiens qui s'appelle Secousse 1848 et qui revient de diverses manières, des débats, mais également des jeux de rôle sur l'importance qu'ont pu avoir les révolutions de 1848 en Europe. C'est donc vendredi, samedi et dimanche prochain. Merci beaucoup, Michel Perrault. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Pierrick Monsigny était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.